Hey, we've got a problem here. This is Houston. Say again, please. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Apollo 13. L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui est l'une des plus fascinantes de ces 50 dernières années. C'est une époque qui traduit à elle seule tout ce que l'homme a de meilleur en lui. Et à ce titre, elle est donc exceptionnelle et rare. Elle réunit en effet héroïsme, génie technologique, audace diplomatique, sens du tragique. En deux mots, elle est épique et romanesque. C'est donc l'Odyssée d'Apollo 13, le vaisseau spatial en perdition, là-haut, tout en haut, flirtant avec la Lune, si désirable, mais qui au dernier moment se dérobe, tout ça pour une vulgaire panne électrique dans la soute du vaisseau. Car Apollo 13, c'est aussi un drame de la routine. Tout avait été tellement parfait jusque-là. D'Apollo 8 qui nous fait découvrir la Lune sans la toucher, mais qui nous la fit tant désirer, jusqu'à Apollo 12, l'impeccable mission, en passant par Apollo 11, l'apothéose, le premier pas de l'homme sur la Lune, tout semblait tellement aller de soi. L'homme avait maîtrisé l'espace, il avait traduit dans la réalité la plus poétique des métaphores, il avait décroché la Lune. Jusqu'à ce que l'impensable se produise, la panne, la tuile, celle que par excès de confiance on avait refusé de prévoir. Un caprice électrique qui va mettre en danger mortel les trois astronautes, James Lovell, Fred Hayes et Jack Swigert. Notre invité aujourd'hui, Patrick Baudry, ancien astronaute. Il a participé au premier vol franco-américain en juin 1985. Il est aujourd'hui écrivain, consultant en activité aéronautique et spatiale. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA. Récit documentaire Simon Maisonneuve, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Chélius et Coyenne Guyen. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. This is Apollo Control Houston, 57 hours, 11 minutes. 4.1. Here in Mission Control, we're looking, now looking towards an alternate mission. Swinging around the moon and using the lunar module power systems because of the situation that has developed here this evening. Okay, shut down the inline heater. Oh, we got it. Okay. Go ahead. Okay, you got Omni Bravo, and we'd like to have you verify that the tape recorder is off, please. Stand by. Just a... Avril 1970, Cap Kennedy, Floride, temps calme, ciel clair, la fusée Saturne V attend ses trois passagers. Saturne V, cet engin qui a déjà propulsé six missions Apollo, est un monstre de 110 mètres de hauteur, la taille de l'Arche de la Défense à Paris. C'est la plus grosse fusée jamais construite par l'homme, la plus impressionnante. Construite et acheminée sur le pas de tir à l'horizontale, c'est à la verticale qu'elle se prépare à prendre le ciel, ce qui nécessite un appui sur une véritable cathédrale de fer, style Tour Eiffel, les jambes serrées. Incroyable édifice que cette fusée, au sommet de laquelle prennent place les trois astronautes, tout en haut, dans une minuscule cabine pas plus grande qu'une tentiglou. Peu importe, ils ont déjà la tête dans les étoiles, jusqu'à ce qu'on entende cette demi-douzaine de mots devenus mythiques. Houston, we've got a problem. Cap Kennedy, 11 avril 1970, 13h13, Apollo 13 décolle. 10, 9, 8, ignition sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have command, we have liftoff at 2:13. Saturne V s'arrache du sol, offrant un spectacle inouï de force et de grandeur. 6800 tonnes de poussée brûlant 2000 litres de propergol en 2 minutes, soit plusieurs millions de litres d'un carburant mélange d'oxygène et d'hydrogène liquide. Les vibrations qu'elle produit font trembler le sol à 80 km à la ronde et toutes les stations sismologiques des États-Unis, cet immense territoire, détectent les vibrations du décollage de Saturne V. Cette fusée provoque un séisme artificiel. Jamais par ailleurs, aucune machine n'avait produit autant de décibels. Alors quand elle décolle, c'est un épisode dantesque que vivent les spectateurs privilégiés qui assistent à l'événement. Et ce n'est rien, bien sûr, au regard de ce que ressentent les astronautes qui, eux, vivent dans leur corps l'hallucinante puissance de la poussée. Voient-ils par le hublot que, dans son élégante érection, Saturne V a le feu aux fesses? Les voient-ils, ces flammes de 500 mètres de hauteur, en son train, qui témoignent de l'allumage des 18 moteurs du monstre? Ils, ce sont les astronautes Fred Hayes et Jack Swigert, deux primo-accédants. Oui, c'est leur première mission Apollo. Mais leur commandant, James Lovell, lui, est un vétéran, une star du programme. Avec Neil Armstrong, qui était le premier à marcher sur la Lune, Buzz Aldrin, qui était le second, et Gene Cernan, qui était le dernier, James Lovell est l'une des quatre figures les plus emblématiques de la conquête lunaire. Il a déjà accompli des exploits sur Gemini 7 et Gemini 12, missions préparatoires au programme lunaire, et surtout, surtout, sur Apollo 8. Apollo 8, c'était à Noël 1968, la plus romantique des nuits de Noël. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des terriens franchissaient une frontière jusque-là impensable. Ils passaient de l'autre côté de l'orbite terrestre pour s'en aller jusqu'à la Lune, pour aller tourner autour d'elle et montrer à 6 milliards de personnes la magnifique désolation de l'astre Sélène. Oui, pour la première fois, nous avons vu le sol lunaire, tous bouche bée. Quel réveillon! Défiant les lois de l'astrophysique dans leur petit vaisseau spatial, les astronautes, cette nuit-là, nous ont envoyé un message métaphysique, récitant la Genèse aux terriens gavés de dindes au marron. Apollo 8, la plus périlleuse et la plus remarquable de toutes les missions du programme américain. Les héros avaient pour nom Frank Borman, Bill Anders et James Lovell. Le voilà, Lovell. Il est maintenant commandant de la mission Apollo 13. Il va fouler le sol lunaire. Le plus sympathique et le plus apprécié de tous les astronautes de la NASA va réaliser son rêve, et nous avec. À 350 000 km de distance, il va marcher sur la Lune, et nous allons le voir marcher sur la Lune. Les seuls Français présents à Houston, Jean-Claude Bourret et Pierre Salviac, commentent cette mission Apollo 13. C'est le sourire à Cap Kennedy à Houston, sourire large comme un croissant de lune pour les techniciens de la NASA. Car pour l'instant, tout se passe bien, la mission Apollo 13 se déroule comme prévu, fidèle au plan de vol que nous ont donné les techniciens depuis le début de cette mission. Et bien entendu, nous suivons ça avec beaucoup d'intérêt ici à Cap Kennedy à Houston. Mais pour l'instant, et je vous le disais au début de ce journal, c'est le moment de sourire à Cap Kennedy à Houston, car comme tout se passe très bien, on ne voit pas maintenant comment il pourrait y avoir un petit ennui sur la route d'Apollo 13, tant il est vrai que tout est parfait, et tant il est vrai aussi qu'on est optimiste ici en Floride. Tous les ingrédients sont là pour nous faire rêver. Et pourtant, depuis le début de cette mission, on est loin de l'enthousiasme suscité 9 mois plus tôt par Apollo 11, emportant les premiers hommes qui allaient marcher sur la Lune. 1 million de badauds avaient assisté au départ à Cap Kennedy. Ils ne sont que 70 000 pour le lancement d'Apollo 13. Enfants gâtés, les Américains, ils ne sont plus intéressés par ces voyages spatiaux. Control, go. Talcom, go. GNC, go. Ecom, go. Surgeon, go. Capcom, we're go for landing. Comment les Américains suivent-ils cette mission Apollo 13 ? Eh bien, nous n'en sommes finalement qu'à la troisième expédition humaine sur la Lune, et pourtant le public américain commence à être blasé. Capcom, we're go for landing. Il y a même eu des centaines de téléspectateurs pour téléphoner à une des principales chaînes de télévision américaine en protestant parce qu'on avait modifié leur programme habituel du samedi soir à la télévision. Malgré ce désintérêt, ils sont bien partis, les astronautes, et tout se déroule pour le mieux. Oh, il y a bien un léger problème de moteur dans la première phase du vol, mais l'ambiance est au beau fixe. Suite à cet incident, d'ailleurs, Lovell déclare « Chaque mission a son problème, ce sera notre petit lézard ». Le 13 avril 1970, James Lovell, Fred Hayes et Jack Swigert viennent de terminer l'un de leurs enregistrements télévisés que les chaînes refusent de diffuser, faute d'audience, mais oui. Lorsqu'un technicien de la NASA demande un dernier check de routine. 13, on a une tâche de plus pour vous. Quand vous aurez un moment, on voudrait que vous brassiez vos réservoirs cryogéniques. J'ai aussi les coordonnées de la comète Bennett, si vous en avez besoin. Attendez. Yep. Hey, on a un problème ici. Répétez s'il vous plaît. Houston, nous avons eu un problème. Nous avons une sous-tension du bus principal B. Compris, sous-tension du bus principal B. Patientez 13, on regarde ça. 8 secondes de silence entre le bruit assourdissant de l'explosion et la phrase lapidaire de Jack Swigert. Houston, nous avons un problème. Quel euphémisme. En vérité, c'est à ce moment-là que tout bascule. Et c'est de la routine d'un énième voyage lunaire que débute l'une des plus grandes aventures humaines. Lovell prend le relais. En regardant par un hublot, il constate que quelque chose cloche. Kane Houston, we'd like you to open circuit fuel cell 1. Leave 2 and 3 as is. 13 Houston, est-ce que vous pourriez ouvrir la pile à combustible 1 et laisser la 2 et 3 telles quelles? Ok, je me mets dessus. Hey Jack, le réservoir numéro 2 nous affiche 0. Est-ce que c'est pareil pour vous? O2 quantity number 2 is 0. That's AC, ok. Oui, c'est vrai niveau. Et il me semble, je le vois par la trappe, nous sommes en train d'évacuer quelque chose dans l'espace. Roger, nous notons votre évacuation. C'est une sorte de gaz. Après un contrôle rapide du côté d'Houston, le constat est sans appel. Apollo 13 se vide de son oxygène. Eugène Kranz, 36 ans, directeur des vols qui, comme son titre l'indique, commande la surveillance au centre spatial de la NASA, procède à l'inspection des premières données. Elle confirme l'étendue des dégâts dans le module de service, irrémédiable. La première décision à prendre, il faut couper les piles à combustible non endommagées du module de service, le navire amiral. Kranz hésite quelques secondes. La coupure de cet outil essentiel signifie la fin de la mission lunaire. Puis il adresse aux astronautes le message suivant. Messieurs, nous venons de perdre la Lune. Maintenant, il faut aller vite, suivre son instinct. L'arrêt des piles n'a pas l'effet escompté. Il reste 15 minutes à l'équipage pour mettre en place un plan fou, unique, imaginé par Kranz. Se réfugier dans le petit module lunaire, le LEM, et l'utiliser comme canot de sauvetage. Apollo 13 entre alors dans une course contre la montre. La mission change. L'objectif est clair, dit Kranz. Il faut ramener ces trois gars et aucun échec n'est envisageable. Après avoir placé leur vaisseau de manière à passer derrière la Lune, les trois hommes s'installent dans le LEM, dénommé Aquarius. Ils quittent à regret le module de commande, leur maison de l'espace qui pour cette mission avait été baptisée Odyssée. Ça ne s'invente pas. C'est fou tout de même ce qu'on peut manquer d'espace dans l'espace. Le LEM, l'engin qui ne sert que pour aller sur la Lune et en revenir, est encombré de tout un matériel. Il n'y a pas de siège. Il se pilote debout. L'engin n'est pas fait pour abriter trois hommes. Et il y fait un froid terrible. Gros avantage tout de même avec le LEM, ces dispositifs lui garantissent provisoirement l'autonomie. Les astronautes activent alors l'approvisionnement en électricité et en oxygène et transfèrent à son bord les données du système de navigation d'Odyssée. L'impératif, c'est d'économiser l'énergie. Alors tout est coupé, que ce soit dans Odyssée, mais aussi dans Aquarius. Ne reste que le dispositif de communication avec la Terre. À Houston, les journalistes français s'ennuient depuis deux jours. Tout à coup, la salle de presse voit la salle de contrôle s'emballer. Il est 23h58, la NASA organise une conférence de presse. Toute dernière nouvelle, nous avons posé la question à la NASA, pouvez-vous encore sauver l'équipage? Oui, si absolument aucun problème nouveau ne surgit. Depuis le début de l'histoire spatiale américaine, c'est l'incident le plus grave. Que se passe-t-il en ce moment pour Apollo 13? Eh bien, sauver les trois astronautes ne signifie pas qu'ils vont faire demi-tour immédiatement, comme ça. Un vaisseau de l'espace n'est pas une voiture. Apollo 13 s'éloigne toujours de nous, il fonce de plus en plus vite vers la Lune. La période très critique aura lieu derrière la Lune, précisément. Apollo 13 va allumer son moteur principal pour freiner sa vitesse, prendre son virage et revenir vers la Terre. Pour l'instant, Lovell, Hayes et Swigert sont dans le LEM au lieu d'être dans le module de commande. Le moindre incident nouveau et ce serait la mort de l'équipage. Derrière la face cachée de la Lune, les communications sont coupées. Le seul lien qui relie les astronautes à la Terre est rompu. Le silence complet dure une dizaine de minutes. trois Américains sont réellement perdus dans l'espace, dans le noir, le silence absolu et le froid. À la sortie de ce virage, derrière la Lune, arrive le moment crucial de la poussée. Ils doivent relancer les moteurs d'Aquarius pour rattraper la trajectoire qui les mènera vers la Terre. Est-ce que le LEM va avoir la puissance nécessaire pour réaliser cette opération ? À Houston et dans le vaisseau, on croise les doigts. Allumage, l'appareil est propulsé, c'est bon. Ils sont sur la bonne trajectoire. Le 3 mai 1970, sur le téléviseur, j'ai vu la fusée de mon père redescendre sur la terre. Sur la lune, il a erré, a dansé sur la mer de sable. Mais tout le monde sait qu'un cosmonaute, quand il revient parmi nous, a souvent du mal à supporter l'atmosphère. Il a vu de trop près l'infini, ici tout est trop petit. Sa tête est restée là-haut, dans l'univers. Papa est cosmonaute, un très bel astronaute. Papa est cosmonaute, un très bel astronaute. Moi, comme un bon petit garçon, je suis resté à la maison pour protéger ma mère, pendant que mon père s'envoie en l'air. En apesanteur plane dans la stratosphère. Mais ma mère l'a bien compris, il fallait qu'un jour moi aussi je touche l'infini. Je serai cosmonaute, un très bel astronaute. Je serai cosmonaute, un très bel astronaute. Outside of window one right now. It's definitely a gas of some sort. It's got to be the oxygen. Apollo 13, entre le 15 et le 16 avril, placé sur une phase orbitale qui leur assure un retour vers la Terre, la mission de survie prend alors une toute autre tournure. Les trois hommes doivent à présent tenir pendant plus de 50 heures dans un appareil où toutes les fonctions sont mises en stand-by. Alors il faut combattre les ennemis invisibles que sont le froid et le dioxyde de carbone. Il faut faire appel à la débrouille humaine face aux failles de la technologie, et ce, au milieu de l'espace, à plusieurs centaines de milliers de kilomètres de la Terre. Avec un incroyable sang-froid, les astronautes, aidés par l'ingéniosité des hommes de Houston, tentent de résoudre les problèmes, les uns après les autres. Vous savez que depuis le début de l'accident, on a immédiatement mis des astronautes dans un simulateur. On leur a fait revivre toutes les conditions de la panne pour essayer de voir ce que l'on pouvait faire. Il faut dire d'ailleurs qu'on a aussi demandé aux ordinateurs ce que l'on pouvait faire. Et vous voyez, il y a quelque chose qui est très significatif. On leur a demandé en particulier qu'est-ce qu'on peut faire pour épurer le gaz carbonique dans le LEM. L'ordinateur n'a pas trouvé la solution. Et ce sont des hommes au sol qui ont bricolé, si vous voulez, le système et qui ont dit aux astronautes comment faire. Partout à travers le monde, on relate heure par heure, minute par minute l'avancée de l'épopée spatiale. La Terre vit au rythme de ses trois vies suspendues dans l'espace. C'est extraordinaire. Des panneaux lumineux, des bandes passantes sur les immeubles commerciaux de Paris, Londres, New York, Tokyo donnent des nouvelles des astronautes. Rarement 6 milliards de personnes auront été reliées de cette façon, en empathie totale, avec trois hommes qui ne sont plus seulement des Américains, on s'en fiche. Pour tous les terriens, ce sont des terriens, comme eux, perdus là-haut dans l'espace, tout près de la Lune. Fascinante communion. Un peu partout, des offices religieux sont célébrés, priant pour que Lovell, Hayes et Swigert reviennent sur Terre, sains et saufs. Même les soviétiques proposent leur aide à la NASA. À bord, la situation devient critique. Le froid, la fièvre de Fred Hayes, les rationnements en eau et la nourriture impossible à chauffer, puis surtout, cette angoisse. Les astronautes s'aperçoivent que la trajectoire sur laquelle ils sont parvenus à s'inscrire n'est pas la bonne. Ils risquent de manquer la Terre de plusieurs milliers de kilomètres et ils seraient alors à jamais, oui à jamais, perdus dans l'espace. Alors il n'y a qu'une seule solution. Rallumer les moteurs d'Aquarius, faire une nouvelle poussée, en commande manuelle, s'il vous plaît, d'une durée de 14 secondes, pas une de moins, pas une de plus. Il faut aussi que les hommes se repèrent à l'œil nu, avec les étoiles et un axe défini par leur alignement. À bout, dans un état d'épuisement qu'on imagine, nos trois astronautes se positionnent pour l'opération, chacun à son poste. Lovell prend en charge la visibilité par rapport à la Terre et la gestion du positionnement du vaisseau de haut en bas. Hayes, lui, gère la droite et la gauche, le tangage, pendant que Swigert chronomètre la manœuvre. 14 secondes, une parfaite synchronisation. Ça y est, ils sont alignés sur la Terre, de la dentelle. Faisant preuve d'une remarquable coordination, les trois hommes réussissent la manœuvre. Les moteurs du LEM supportent ce nouvel effort. C'est bon, ils sont sur la route du retour. Ils ont corrigé l'erreur de trajectoire, ils sont en route vers la Terre. Mais la dernière épreuve arrive à toute vitesse et ils n'ont toujours pas de procédure pour cette étape cruciale, la traversée de l'atmosphère et l'amérissage. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. 17 avril, jour prévu pour l'amérissage. La Terre se rapproche. Mais la route de retour comporte à chaque étape de nombreux risques. Depuis Aquarius, les trois astronautes doivent repasser dans le module de commande qui possède un bouclier thermique pour pouvoir traverser l'atmosphère sans être grillé comme une pièce de bœuf sur un barbecue. Oui, mais avec l'avarie survenue près de la Lune, dans quel état est le bouclier ? Impossible de le savoir. Il va falloir attendre la traversée de l'atmosphère, cette phase délicate qui provoque énormément de chaleur à cause des frottements provoqués eux-mêmes par la vitesse hallucinante de la descente à ce moment-là. Cet événement est diffusé en direct partout à travers le monde. Au fur et à mesure des différentes étapes, la tension monte. Une atmosphère extrêmement surexcitée, comme vous l'imaginez. Nous venons perdre le contact avec votre ami Aquarius, viennent de dire les contrôleurs de vol de Houston. Et cela signifie tout simplement que le LEM vient de se désintégrer dans les couches denses de l'atmosphère. Je voudrais d'ailleurs signaler l'ordre d'entrée des trois éléments du vaisseau spatial. Le LEM vient donc de se désintégrer. Il sera suivi par le Service Module dans quelques instants, dans quelques minutes. Et le dernier, bon dernier à pénétrer dans les couches de l'atmosphère, sera le Command Module, le module de commande, avec Lovell, Swigert et Hayes. Savez-vous si on a pu faire des photographies du module de service ? On en a fait, effectivement, et elles sont impatiemment attendues, comme vous l'imaginez, ne serait-ce que pour savoir et connaître exactement quelle est l'importance de la déchirure, bien que d'après les conversations radio qui ont eu lieu tout à l'heure, que cette déchirure soit de 1 mètre à 1,50 m, ce qui est énorme. La découverte de l'état du module de service est un choc. Comment le bouclier peut-il ne pas être endommagé quand on voit les dégâts sur cette partie d'Odyssée ? A-t-il pu être protégé ? Petit à petit, découverte après découverte, les probabilités de réussir l'entrée dans l'atmosphère s'amenuisent. Mais l'équipage n'a pas le temps de se poser ces questions. De toute manière, quand vous n'avez qu'une solution, vous faites avec. La Terre se rapproche. En direct, les conversations entre Houston et la navette sont retransmises, relayées, analysées. Houston demande l'antenne. Oui, pour vous signaler un dialogue amusant entre le docteur Berry et Lovell, d'après les informations que je reçois ici, vous avez l'air d'être en parfaite santé. Et Lovell a répondu, c'est la meilleure nouvelle que j'ai jamais entendue. Il a dit, l'entrée dans l'atmosphère, ça va être terrible. Et c'est dans maintenant moins de 7 minutes. D'autant que Lovell sait de quoi il parle. Ce sera la quatrième fois qu'il effectuera ce petit pèlerinage à travers l'atmosphère terrestre. La rentrée dans l'atmosphère est d'une violence inimaginable. Pour tenir, les astronautes et la NASA continuent comme ils l'ont fait depuis le début de leur mission de sauvetage. Ils gardent espoir. La perte de contact se rapproche. Pierre Salvia, qu'est-ce que vous entendez actuellement? Un ultime dialogue entre la cabine et le centre de contrôle de Houston. Est-ce que vous pourriez nous faire entendre le dialogue si vous avez le son? Les dernières paroles. Un dernier échange de conversation a lieu entre la cabine et Houston. Le contact va bientôt être perdu. Je veux bien vous le faire entendre si cela est technique possible. Attendez, on va essayer. Non, mais en mettant votre micro près du haut-parleur, n'importe comment, mais ce serait intéressant de l'entendre. 1961. Bienvenue à la maison, vient de dire Houston. Merci, c'est très bon. À vous, Houston, ou peut-être le hall de la maison de la radio a-t-il des questions précises à poser? Je vais vous appeler le hall de la maison de la radio, étant donné que l'entrée a lieu maintenant dans 1 minute 30, et le temps de poser la question et d'y répondre, bien. Nous raterions ce moment historique. Vous gardez l'antenne. En principe, donc, le blackout, la rentrée dans l'atmosphère, dans les couches denses de l'atmosphère, dans 25 secondes. On vient de nous annoncer que c'est la perte de contact à l'heure actuelle avec la dernière station télémétrique. Donc maintenant, on ne saura plus rien. C'est le blackout. 3 minutes, c'est le temps que dure ce blackout. Après plus de 140 heures de voyage dans le vide spatial, ces 3 minutes paraissent une éternité. Toujours rien, toujours aucun dialogue. Il y a maintenant 4 minutes 32 secondes que la cabine spatiale a pénétré dans les couches supérieures de l'atmosphère. Les énormes hélicoptères de la Rescue de la marine américaine sont en train de tourner autour d'une large zone où doit amérir plus exactement la cabine d'Apollo 13, mais pas de contact radio. À Houston, on attend toujours. Ça va faire bientôt 5 minutes que l'entrée dans l'atmosphère a eu lieu. D'ici 3 minutes, le petit parachute devrait se déployer. Il n'y a toujours pas de contrôle électronique. Ça y est, signal d'acquisition électronique, c'est-à-dire que le vaisseau spatial maintenant a fini sa période de ionisation et que les liaisons radio sont rétablies. Cela ne signifie pas forcément que tout s'est bien passé. Voilà. Ok, we read you, Jack. Bon. C'est ça y est. Jack Swagger qui est en train de Laval maintenant. C'est Laval finalement qui a eu le premier contact avec le centre de Houston. Voilà ce que vient nous indiquer. Ouf, ils sont vivants. Mais on attend que la navette touche la mer pour y croire vraiment, être sûr jusqu'au bout. L'atmosphère reste irrespirable. La cabine va bientôt toucher la mer. Ça va être le fameux splashdown prévu dans le plan de vol, c'est-à-dire le point de contact avec la mer. Attention, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde, stop. Voilà. Et on applaudit dans la salle tandis que les corolles des 3 parachutes s'affaissent doucement dans la mer. Voici le point final à l'étonnante aventure de ces 3 hommes qui étaient partis à la conquête d'un autre monde et qui sont revenus soutenus par la totalité du monde qui a prié pour eux, qui les a soutenus et qui a espéré finalement qu'ils reviendraient sains et saufs. C'est maintenant chose faite. Ils sont revenus parmi nous, ces aventuriers de l'espace, ceux qui avaient tenté de fouler pour la 3e fois dans l'histoire de l'humanité le sol de la Lune. Ils sont revenus parmi nous et finalement, on n'arrive pas à croire qu'une telle aventure ait pu avoir lieu. Chapeau bas aux techniciens de la NASA, c'est ce que tout le monde dit ici. Ils ont réussi le sauvetage le plus extraordinaire du siècle et je crois que chacun d'eux a juste raison, peut-être fier de cet exploit. Ainsi s'achève l'incroyable histoire d'Apollo 13. Tout le monde est soulagé, mais l'amertume est là tout de même. Lovell, le grand Lovell et ses 2 camarades auront vu la Lune de très près sans pouvoir la toucher. Non, on ne les verra pas comme Armstrong et Aldrin avant eux et comme 8 autres de leurs collègues après eux dans cette danse gauche et admirable de tout astronaute se déplaçant sur la Lune. Soulagement, amertume et mesquinerie. La société qui a construit le module lunaire réclamera à la société qui a construit la cabine Apollo une facture pour frais de remorquage dans l'espace. Mais oui, après cette mission, d'Apollo 14 jusqu'à Apollo 17, l'ultime voyage, l'aventure s'arrêtera net, comme sous l'effet d'un coup près. Pour des raisons budgétaires, diront en cœur la NASA et le gouvernement américain. Mais il y a une autre motivation. La conquête de la Lune, c'était aussi, et peut-être surtout, un acte hautement politique, un élément fondamental de la guerre froide. La nation qui, la première, enverrait un homme sur la Lune, prouverait de la façon la plus éloquente qu'elle est la plus grande nation au monde. De ce point de vue, l'Amérique a largement battu l'Union soviétique, à plate couture même. Alors, à quoi bon continuer à dépenser de l'argent ? Et c'est ainsi que la conquête spatiale oscille aujourd'hui entre projets encore un peu lointains, Mars, la station lunaire, et des petits tours autour de la Terre pour des raisons purement commerciales. On installe des satellites, on géolocalise la Terre entière, on menace nos libertés et on brade nos rêves. Hey Houston, on a un problème là. Sensible aujourd'hui, Apollo 13, notre invité c'est Patrick Baudry en duplex des studios de France Bleu Côte d'Azur à Nice, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle, mais faut-il le rappeler, que vous étiez astronaute, que vous avez participé au premier vol franco-américain en juin 85. Aujourd'hui vous êtes écrivain, consultant en activité aéronautique et spatiale. Donc l'espace, vous la connaissez de façon théorique et surtout, vous l'avez vécu. Hein. Vous connaissez les conditions de vol, ce qu'un homme peut ressentir quand il est dans l'espace. Vous avez été passionné, j'imagine, par les missions Apollo. On sait ce qui s'est passé pour Apollo, on a eu le fin mot de l'histoire. Assez vite, on se demande comment ça peut se passer quand on voit la mobilisation de toute cette intelligence, de toute cette matière grise des ingénieurs et de tout ce courage des astronautes. Comment ce drame a-t-il pu arriver ? Est-ce que c'est pour vous une sorte d'accident de la routine parce que tout allait trop bien ? Bon, pas seulement, je pense que l'accident est toujours la menace immédiate et quelles que soient les précautions que l'on peut prendre et l'intelligence que l'on met dans un projet, il y a toujours de l'imprévu et cet imprévu parfois a des conséquences dramatiques. Ça a été le cas pour Apollo 13, mais l'équipage est rentré sain et sauf, comme vous l'avez très bien raconté. Et pour moi, c'est la plus belle mission spatiale parce qu'elle correspond à la vocation d'un pilote d'essai, ce qu'étaient Lowell, Hez et Swigert. Et vraiment, c'est la plus belle mission spatiale parce qu'ils ont dû faire appel à toutes leurs compétences, leurs connaissances au sol aussi pour revenir vivants. Mais vous savez, l'accident bête entre guillemets, c'est celui d'Apollo 1 où les trois astronautes ont brûlé dans la cabine. Grissom, Chaffee et White, hein, c'est ça. Et White, oui, tout à fait. Et là, c'est encore plus dramatique et dommage dans la mesure où de l'oxygène pur dans l'atmosphère d'une cabine spatiale alors qu'il y a beaucoup de connexions électriques, etc. Vous voyez très bien qu'il y a aussitôt une antinomie et que ça a payé, quoi. Donc on peut jamais échapper, quelle que soit l'intelligence et l'imagination qu'on met dans un projet, il faut toujours avoir à l'esprit qu'on peut avoir à faire face à quelque chose de difficile, voire de dramatique. Alors là, on a bien compris, vous l'avez confirmé, que la dimension humaine a été importante. Alors, on l'a dit, hein, James Lovell, c'est une des stars du programme Apollo. Vous l'avez connu personnellement, vous l'avez rencontré, Lovell ? Oui, je le connais bien. Il fait partie de notre groupe d'astronautes. Ah. Et on se réunit régulièrement. C'est quelqu'un, vous savez, j'ai eu la chance de connaître tous ceux qui ont été sur la Lune. Certains sont des amis et sont tous des gens que j'admire profondément. Et malheureusement, on en a perdu un ou deux, comme vous le savez déjà, mais ça, c'est normal. Mais vraiment, c'est ce programme Apollo, pour ne parler que de lui, a été un programme magnifique. C'est vrai, vous l'avez souligné, sa raison d'être a été essentiellement politique. Mais vous savez, dans le mot politique, il y a autre chose que ce qu'on peut en dire aujourd'hui, notamment dans notre pays, hélas. La politique, pour moi, c'est quand même une vision de l'avenir. Et même si c'était en grande partie pour des raisons de politique immédiate, l'antagonisme entre les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique, pour moi, c'est inscrit dans une politique plus vaste et plus belle, qui est celle de l'avenir de l'espèce humaine née sur notre planète Terre et qui s'ouvre et qui découvre, qui cherche à comprendre le monde, l'univers dans lequel nous vivons et à travers lequel nous voyageons sur notre vaisseau spatial, la planète Terre. Et c'est ça la véritable vocation de l'homme dans l'espace. Et vous avez tout à fait raison dans votre conclusion tout à l'heure. Vous avez dit, Houston, we have had the problem, and Houston, we have a problem. Ouais. Et aujourd'hui, on a un problème, ouais, oui. C'est qu'on n'a pas de vision du futur. Et l'homme dans l'espace, vous avez parfaitement raison, est galvaudé lorsqu'on la voit encore orbiter autour de la Terre. C'est quelque chose qui doit être à présent réservé au tourisme, c'est-à-dire à l'enrichissement personnel de ceux qui ont le privilège, la chance d'aller dans l'espace. Mais les professionnels, on doit les utiliser pour des missions ambitieuses, aller sur Mars, bien sûr, ça c'est l'objectif immédiat, aller travailler sur la Lune, enfin voilà, c'est la vocation de l'espace, c'est ce qui nous fait rêver, c'est ce qui doit nous permettre d'avancer. C'est comme si Christophe Colomb avait dit, bon, j'y retourne plus, quoi. Fini. Voilà, exactement. D'accord. Exactement. Et c'est quelque chose de tout à fait désastreux, quoi. Et vous l'avez souligné, je vous remercie, parce que il est vrai qu'aujourd'hui, on faillit à notre vocation. Alors, effectivement, la guerre froide n'est pas la seule motivation. Heureusement, on l'a dit, elle est importante. On va juste écouter ensemble, hein, une petite archive, et on reviendra à autre chose après. Une archive qui montre quand même ce contexte, mais aussi comment Apollo 13 a pu faire bouger les lignes. Pendant ce temps, la coopération internationale s'organise pour venir en aide aux trois hommes quand Apollo amerrira vendredi dans le Pacifique, après la France, après la Grande-Bretagne et bien d'autres pays encore. L'Union soviétique a pris des dispositions pour secourir les astronautes américains lorsqu'ils amerriront vendredi prochain. De Moscou, Ronald Saint-Sauveur. Monsieur Kosygin vient de donner ordre au gouvernement soviétique de tout mettre en œuvre pour sauver les cosmonautes américains. Avec ce télégramme adressé au président Nixon, les soviétiques, pour la première fois depuis le départ d'Apollo 13, accordent une certaine importance, l'importance que demande d'ailleurs une telle expérience. Effectivement, depuis le départ des astronautes, les nouvelles données par les soviétiques étaient plutôt maigres sur ce sujet. Peut-être ne tenait-on pas trop à mettre l'accent sur cette expérience qui aurait logiquement dû être tentée par les soviétiques pour marquer le centenaire de la naissance de Lénine. C'est donc la première fois que les soviétiques proposent leur aide pour le sauvetage de cosmonautes américains. C'est normal, les Russes se souviennent de Komarov, la première victime de l'espace. Voilà, bon, le son vaut ce qu'il vaut, hein, mais c'est un son d'archive et ce qui fait son charme. Patrick Bourdet, on s'aperçoit que pour que les hommes se donnent tous la main, pour que 7 milliards d'hommes se donnent la main, il faut ce détour par l'espace, finalement. On aurait aimé qu'ils se donnent la main sans faire ce détour-là, mais ça a une vraie dimension pacifique, hein. Oui, bien sûr, c'est une vraie dimension spécifique. C'est une de nos fiertés à nous, spationautes français, que ce soit Jean-Luc Chrétien ou moi-même, d'avoir réussi à créer une organisation, entre guillemets, très modeste, mais qui rassemblait, qui a déjà rassemblé en 85, c'est-à-dire du temps de la guerre froide encore, les cosmonautes soviétiques et les astronautes américains. Le programme, c'était Skylab, non ? C'était Skylab ou pas ? Non, c'est notre association qui s'appelle l'ASE, Association of Space Explorers, qui est donc destiné à rassembler ceux qui ont effectué au moins une orbite autour de la Terre, enfin qui ont été dans l'espace. Mais ça n'a pas été facile, vous savez, c'était en 85, et on a pu mettre ensemble que des astronautes américains, dont certains avaient été sur la Lune d'ailleurs, qui n'étaient plus en activité à la NASA, alors que du côté soviétique, il y avait donc des Russes qui, eux, étaient encore en activité dans le système spatial soviétique. Donc je peux vous dire que c'est une tâche qui n'est jamais facile et il est vrai que l'espace devrait être un domaine où on pourrait rassembler les bonnes volontés. Vous avez tout à fait raison. Est-ce qu'après la mission, après le programme Apollo, il y a eu le programme, vous me corrigez si je fais une erreur, Skylab, je crois? Oui, absolument. Il y a eu Skylab. Et là, il y avait plusieurs nationalités. C'était très américain, mais il y a eu d'autres nationalités, Skylab. Non, il n'y avait que des Américains. C'est un programme. C'était une grande station spatiale faite par les Américains. En fait, pour utiliser, je dirais un peu vulgairement, les restes d'Apollo. C'est-à-dire, après Apollo, il y avait certaines ambitions qui n'ont pas été réalisées. D'abord, Apollo s'est arrêté. Apollo 17, il y avait trois autres missions qui étaient programmées, qui ont été annulées. Parce que les Américains jugeaient que ça n'en valait plus la peine. Et avec les différents éléments qui avaient été construits pour l'ensemble du programme Apollo, ils ont réalisé ces missions Skylab, de grandes stations spatiales, qui leur ont permis d'acquérir déjà une expérience. Alors que les Russes, de leur côté, ayant échoué dans leur conquête lunaire par l'homme, se sont orientés aussitôt vers des programmes justement de stations spatiales. Et il y a eu la station Salyut 7 qu'on connaît bien, nous Français, à bord de laquelle a été Jean-Loup, mais également Salyut 1 à cette époque. Et donc tout ceci a généré la station spatiale internationale d'aujourd'hui, où effectivement des hommes et des femmes de plusieurs nationalités travaillent d'une manière permanente. Alors, on va revenir à Apollo 13, qui est une sorte d'échec réussi. Vous vous souvenez de cette aventure, évidemment. Vous étiez où à ce moment-là? C'était quoi votre souvenir personnel? En bien Apollo 13, moi j'étais pilote de chasse, élève pilote de chasse à cette époque. Et donc, j'étais évidemment passionné de la conquête spatiale. Mais en tant que Français, je n'imaginais pas que j'aurais ce privilège un jour d'aller dans l'espace. Donc je regardais ça avec beaucoup de désir et d'admiration. Et c'était vraiment la grande époque de la conquête spatiale. Les Russes et les Américains se livraient une course acharnée. Et le programme Apollo, c'était quelque chose d'admirable. C'est quelque chose d'admirable. Certainement le plus beau programme sur le plan humain, autant que sur le plan technique, qui a été réalisé au cours du XXe siècle. Alors, chaque aventure a besoin de ses héros, et tant mieux. Donc j'ai beaucoup parlé de James Lovell, j'en ai fait un portrait à distance, car contrairement à vous, je n'ai pas eu la chance de le rencontrer. Quel genre d'homme il est, James Lovell? Il est décrit comme quelqu'un de jovial, sympathique, de l'humour. Oui. C'est ça? Ça correspond? Oui, c'est quelqu'un de très, très agréable à fréquenter, qui est effectivement très ouvert, très gai et en même temps très professionnel. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, je crois d'ailleurs comme tous, qui ont un aspect professionnel très très dur, très concentré, très entier, si vous voulez. Et en même temps, sur le plan humain, ont des caractères différents. Et Jim Lovell est effectivement quelqu'un de très très ouvert et très gai. Le professionnalisme dont vous parlez, c'est notamment celui de Ken Mattingly, qui est un autre astronaute qui devait partir à Apollo 13. Les médecins ont vu qu'il était malade et c'est lui qui est revenu pour faire des essais au sol. Il était même pas malade. Le problème, c'est qu'il avait côtoyé quelqu'un qui avait la rougeole et Ken n'avait pas eu la rougeole. Ouais. Donc, il était susceptible d'être infecté, si vous voulez. Et les Américains, les médecins, ont décidé de le sortir de l'équipage Prime, celui de Lovell, donc Mattingly et Hayes. Et il a été remplacé par Swigert, qui était dans l'équipage doublure. Et Lowell, justement, a tout fait pour s'y opposer. Il voulait garder Mattingly. Et il n'a pas pu. Bon, c'est la petite histoire. Bon, bah, Mattingly partira avec Apollo 15 ou 16. Enfin, oui, cas, il va partir. Mais il a eu beaucoup de chance, hein, finalement. Bah oui, oui. Parce que quand on loupe le train, si j'ose dire, il n'y en a pas d'autre qui repasse, en principe. Oui, souvent il n'y en a pas d'autre qui repasse. Et Apollo 13 était quand même assez marqué sur ce plan-là. Ouais, ouais, c'est, oui. Et c'est pour ça que c'est une mission admirable, parce que finalement, ils sont rentrés sains et saufs sur Terre. Et ça a été vraiment une grande mission. C'est sur le plan humain, technique, ça, c'était une mission fabuleuse. Alors oui. Qu'Apollo 11, dont on se souvient tous, évidemment, parce qu'elle a permis à Armstrong et Aldrin de marcher sur la Lune, a été une mission qui s'est bien passée sur le plan technique. Donc, où finalement, vous savez, quand on a à faire ce que l'on doit faire, finalement, tout est relativement facile. Quand oui, il faut faire face à des événements imprévus, c'est là que ça devient plus difficile. Will you help me leave the darkness behind? France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Patrick Baudry, vous êtes notre invité. On va reparler des astronautes d'Apollo 13 qui se retrouvent dans une situation extrêmement périlleuse, très compliquée. Et physiquement, il faut être très fort parce qu'il y a ces problèmes de froid, notamment. Pour faire des hommes qui soient à la fois performants physiquement, intellectuellement et psychologiquement, qu'est-ce qu'on leur fait faire? Qu'est-ce qu'on vous a fait faire à vous, par exemple? Parce que le métier d'astronaute, finalement, c'est s'entraîner. Qu'est-ce qu'on vous a fait faire? Oui, c'est s'entraîner, mais l'apprentissage, ce n'est pas comme on l'imagine très souvent, essentiellement, de l'entraînement physique. La centrifugeuse. On a une excellente santé et on est sélectionné ayant une excellente santé. Ensuite, on s'entretient et en fonction du caractère de chacun, on fait plus ou moins d'entraînement physique et autres. Par exemple, Neil Armstrong faisait très rarement de l'entraînement physique. Vous voyez, lui, c'était pas son truc. Mmh. Moi, en revanche, je m'entraînais comme un fou parce que j'adore pratiquer n'importe quel sport et puis les sports que je pratiquais. Mais pour ce qui est d'Apollo 13, vous savez, Lowell a perdu plus de 6 kilos pendant la mission, ce qui démontre qu'il a dû donner beaucoup de sa personne, et notamment quand on perd du poids à ce point-là en 4-5 jours, c'est que vraiment on a été au bout de soi-même. Et au total, les trois ont perdu, je crois, quelque chose comme 15 kilos. Donc vraiment, ça a été très très dur sur le plan physique, mais ils avaient une excellente constitution, puisqu'ils ont été sélectionnés, entre autres choses, hein, pour ça. Et donc c'est à ce moment-là que ça sert. C'est pas vraiment le plus important. Il est normal que lorsque vous empruntiez, lorsque vous fassiez ce genre de mission, vous soyez en excellente forme. Mmh. Le problème consiste surtout à garder un esprit très clair, avoir une capacité de décision, d'analyse et de décision très bonne dans des conditions difficiles. C'est ça, en fait, qui est important, bien sûr. Alors, on va terminer l'émission en regardant devant nous, même si le concept de l'émission est de regarder dans le rétroviseur, mais à travers le rétroviseur, quelquefois, on voit ce qu'il y a devant. Oui, c'est vrai. Voilà, on fait un peu ça dans cette émission. Donc, ce qu'il y a devant nous, c'est Mars. Oui, rapidement. Absolument. Mars, je vais vous poser la question, mais tout simplement, qu'un béotien pourrait vous la poser, on y va quand? Eh bien, moi, je vous répondrai pourquoi est-ce qu'il n'y a pas encore été. Ouais. C'est à tous, à chacun de nous, de se poser la question. C'est un manque de volonté politique? Certainement qu'on manque sérieusement, non pas d'ambition politique, ça, il n'y en a aucune, mais de vision politique, tout simplement. Nous sommes dirigés par des gens qui, manifestement, ne font pas comme vous, ne regardent pas dans le rétroviseur pour prévoir ce qu'ils vont faire demain. Je pense qu'ils regardent au jour le jour et minute par minute ce qui se passe. Et c'est un petit peu dommage. Non, c'est une question de vision globale. Vous savez, ce qui est la caractéristique de notre espèce, parmi toutes les espèces vivantes sur notre Terre, c'est qu'elle est douée de curiosité. On est capable d'être curieux de ce qu'on ne sait pas encore. On est capable d'imagination, de rêve. On est la seule espèce vivante hein, qui ait cette capacité. Et c'est ce qui devrait nous permettre d'imaginer un peu mieux le futur et de vouloir comprendre dans quel monde on vit. Et la recherche scientifique en général et la conquête spatiale en particulier doit répondre à ce critère de curiosité et de volonté d'accroître nos connaissances. Or, ce n'est pas en tournant autour de la Terre, vraiment en tournant rond en ce moment, c'est dérisoire et j'en parle même pas tellement ça me paraît insensé. Cette station internationale dont médiatiquement on nous rebat les oreilles régulièrement, c'est lamentable. Il faudrait que nous soyons déjà sur Mars, qu'on ait déjà posé le pied sur Mars. On est en 2014, on a largement les capacités techniques. Et c'est pas une question de budget, parce que à ISO budget, avec les efforts financiers que l'on consent pour la recherche dans le domaine spatial, on devrait déjà être sur Mars. Donc pour répondre à votre question, je réponds par une autre, pourquoi n'y sommes-nous pas? Eh bien écoutez, on va terminer cette émission par une question posée par l'invité. Vous avez le mot de la fin, Patrick Baudry, vous l'avez bien mérité. Il me reste à vous remercier, vous dire au revoir et à bientôt peut-être, j'espère. Bien, merci beaucoup. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Apollo 13, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Guillaume Roux.